Bon, je sais pas s'il y a du son. J'ai eu beaucoup de mes difficultés. Ou bien, je sais pas, là. Donc, est-ce qu'il y a du son? Si vous pouvez m'indiquer s'il y en a. N'y a personne qui peut... Ah. Oui, OK, bon. Je ne peux pas faire un son. Je peux pas faire un live tant aujourd'hui parce que j'ai des gens qui s'en viennent. Donc, bon, le son fonctionne. Puis je vais être franc, là. Ça fonctionnait pas bien, là, YouTube. Ça fait un bout de temps là, que j'essaye, ça ne marchait pas. Puis, bon, je me suis levé tard, puis... un paquet de choses aujourd'hui, puis j'ai des gens qui viennent là, dans pas longtemps. Donc, bon, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez parler? Ben, là, même là, je serais peut-être pas bien ben concentré. Salut, bonjour. Bonjour, Isirma. J'ai appris hier ou avant-hier pour le troisième livre, j'étais vraiment pas au courant. Bernadette, bon samedi. C'est la première fois que je vous vois. J'ai pas de son. Ah bon, c'est plate, hein? Bonjour à tous de Sherbrooke. Ah oui, va te coucher là. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Ah oui, va te coucher là-bas. Assez plate, mais je n'ai pas rien à dire aujourd'hui. J'ai bien aimé ton vidéo avec David Mann, mais merci. Oui, le live, ouais, j'avais compris, l'oiseau moqueur qui avait du son. Arrête, Minou, va te cacher. Le livre sur le site d'archives. OK, oui, il va falloir que j'aille voir. Bonjour Didier. Bon, c'est dommage aujourd'hui, mais je pourrais pas, là, ouais. Je peux pas parler longtemps. Je peux pas faire. Bon, même le chat est dysfonctionnel aujourd'hui. Donc, puis c'est ça, faut que je me dépêche. Il y a un dîner, puis bon, c'est moi qui vais le faire. Dans le sens, je reçois, là. Donc, bon, il est donc bétonnant, lui. Donc, est-ce qu'il y avait des annonces ou des choses spéciales? Il y a Perrin, là, il y a le troisième livre de transcription. Puis, bon. S'il y avait là, des choses là. T'es donc ben nerveux, toi, couche-toi. Bah, il est couché. Donc, je me suis levé tard en plus. Que pensez-vous des crypto-monnaies? Ben là, c'est pour initier les gens à de l'argent numérique. Hein? Donc, bon. C'était intéressant au début d'investir dedans, mais là, ça ne l'est plus. Qu'est-ce qui fait qu'une personne n'a jamais rêvé? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se souvient pas? Ben, c'est certain qu'elle rêve. Mais c'est là aussi de savoir pourquoi elle ne se souvient pas. Vous rêvez, tout le monde rêve. Quelqu'un qui ne rêve pas, le cerveau se détruit. Il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Il y a des. Ils ont empêché des gens de rêver, ils les branchaient sur des machines, puis dès qu'ils tombent en sommeil paradoxal, ils les empêchaient, puis bon, ils devenaient psychotiques, là, Bernadette, ah bon, parle-nous de ton chat, il fait partie du live aussi, bon, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur le chat. C'est pas intéressant, ça. Ben, je sais pas, là, vous pouvez en acheter un, Minou, si vous voulez. Comment allez-vous? Ben, aujourd'hui, moyen. Parce que, bon, j'ai mal dormi, puis bon, ça arrive, hein. Puis, aussi que j'ai un paquet de choses, là, que, bon, ça me tente pas nécessairement. Pour être franc avec vous autres, le trois quarts de ce que je fais, c'est des affaires que j'ai pas envie, que ça me tente pas, puis que ça m'intéresse pas, puis je décide d'absolument jamais rien de ce que je fais. Absolument jamais. Bon, fini qu'on s'attue, là. Mais bon, disons que j'ai pas beaucoup de loisirs ces temps-ci. Puis c'est ça. Donc, bon. Là, l'été s'en vient, le printemps s'en vient. Rita Baga, animatrice de Drag Race Belgique. Mon Dieu, aïe aïe, et le drag queen québécoise la plus en vogue du royaume. Quoi, il y en a-tu d'autres? Hein? Un typique 22 mars, on est dans un monde de fous. Moi, ben là, ces affaires-là, moi, je suis pas au courant, là, mais bon, c'est sûr, il y a plein d'affaires de plus en plus comme ça. Rita Baga. C'est un jeu de mots avec Ruta Baga, ça. C'est donc ben pas drôle. C'est quoi, là? C'est vraiment. En tout cas, bon, je me demandais si un programme de vie peut être programmé dans le seul but de le casser. Oui. Oui, ça arrive. On dirait, en tout cas, semble-t-il. Ben oui, même des fois, c'est comme j'ai longtemps, souvent, pensais que j'allais faire telle chose, puis finalement ça a tout fait pour que ça arrive pas. Puis on dirait que oui, c'est difficile, là. Ça devient subtil parce qu'il y a des programmes que j'ai vu ça là, du monde qui sont devenus complètement autre chose, différents, d'un coup. Donc, Rita Baga, Jean-François, Guèvremont. Oh, j'ai déjà vu Guèvremont. C'est la première fois que je vois ça. Mais non, il y en a un que je connais qui était. C'était un musicien qui faisait de la musique dans des bars, puis il était alcoolique, puis bon. Puis il est arrivé des événements, puis aujourd'hui, c'est complètement autre chose, là. Il fait des vidéos pour expliquer certaines choses. Qui est ça? Ruta Bagul, votre dernière entrevue avec David, bien apprécié. Ah ben merci. Ouais, je pense David, il voulait que je parle de genre les 100 prochaines années. Parce que Bernard, il avait fait ça. Puis, il y en a plein qui font ça, hein, des tirures de cartes, des astrologues. Puis bon, mais moi, je trouve pas ça intéressant. Ben franchement. Puis Bernard, il y a eu longtemps, le monde autour, c'était des gens ésotériques, pas mal. Puis Marc Passio, Marc Passio, c'est quoi, c'est un autre drag queen. Mais bon, hein? Non, je trouvais pas. Puis de toute façon, admettons que je veux me mettre à faire ça. Puis je fais de l'écriture automatique, puis que je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer en 2000, 2034, en 2000. On peut pas se fier. On peut pas se fier à l'information. Puis c'est pareil que du monde qui font des séances de spiritisme à un moment donné. On peut pas se fier. On peut pas se fier à rien. Fait que ça me tente pas de faire des affaires de même. Puis bon, dans le fond, là, ce qui va se passer en 2123, c'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. Puis je pense pas que. Il y a des choses qu'on peut savoir. Je veux dire, si on est dans un état d'objectivité, puis qu'on se met dans un état de lucidité très fort, on va voir des choses qui viennent. Mais pas besoin de. Bon. 2123, on se répondra pas là. Ben non. Je sais même pas si je vais être là demain. Que, bon, c'est justement quand David te parle de choses qui t'intéressent pas que ça devient intéressant. Moi, ben c'est parce que j'ai bien de la misère avec ça. Moi, je viens pas de l'ésotérisme. J'ai jamais eu d'intérêt pour l'ésotérisme. J'ai jamais. À force d'avoir une culture générale, bon, on finit qu'on lit sur toutes sortes de choses. On finit par savoir, bon, c'est quoi le spiritisme, c'est quoi l'hermétisme, c'est quoi. À un moment donné, je lisais sur les mouvements des églises d'Orient, l'historisme, des affaires de même. Fait qu'on finit qu'on en sait pas mal, mais c'est pas parce que ça m'intéresse, là. Hein? Je sais que Tintin a été créé par Hergé, mais j'en ai jamais lu de Tintin parce que ça ne m'intéresse pas. Hein? Bon, mais j'ai une base pareille. Mais il reste que, bon, c'est des affaires. Je viens pas de l'ésotérisme. Puis c'est tout ce qui a rapport avec la cartomancie, ces affaires-là. Ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. Mais je suis pas en train de dire que David, c'est ça, là. Mais bon, je suis pas un occultiste non plus, là. Puis la voyance, je pense que le trois quarts, c'est de la fraude. Je parle d'une position bien, bien spéciale, là, pour parler de certaines affaires. Parce que j'ai une partie d'écouter de l'entretien avec David et je sens que ce que lui donne de la difficulté à comprendre parfois, c'est qu'il est encore bien attaché à ce monde, comme beaucoup de gens. Ben oui, d'un autre côté, c'est correct d'être attaché au monde, ne serait-ce que pour fond. Que vous faisiez plus souvent des vidéos avec David, mais je comprends, vous avez plein d'autres choses à faire. Ouais, ben il me le demandait, ça faisait un bout de temps, puis ça ne donnait pas. Puis là, je m'étais tellement. C'était tellement. Je m'étais tellement penché sur justement de l'ésotérisme. Puis là, maintenant, j'ai dit, j'ai besoin d'un break là. Bonjour, que penses-tu de certaines maladies qui peuvent changer la vibration et apporter de l'intuition? Comme exemple, diabète. Ah oui, quand le niveau de sucre est bas et que ça vient de l'astral. Ça, c'est subtil parce que quand on va pas bien, ben au niveau de notre santé, ben il y a des mécanismes de survie. Donc des fois, j'ai déjà vécu des expériences parce que je faisais de la fièvre, qu'on pourrait rapprocher comme de la voyance presque. L'expérience me liée à l'astral parce que je faisais de la fièvre. La première fois que j'ai eu des expériences vraiment qu'on pourrait dire en guillemets intéressantes, extrasensorielles, des affaires comme ça, c'était j'étais enfant puis j'avais une grosse fièvre. Donc, oui, ça peut être astral, là, je veux dire, l'astral, il y a des affaires, on dirait, ça va profiter de certains états. Mais les gens malades développent beaucoup d'intuition. J'ai remarqué ça, les gens qui ont eu des grosses, qui ont combattu la maladie, là, c'est de l'expérience, hein. Donc, bon, c'est en lui répondant que la question n'est pas ajustée, que ça se développe ailleurs, que Krishnamurti répondait souvent de cette façon. Moi, ben, c'est que je trouve que même si c'est projeté loin dans le futur, là, 2123, il reste que c'est à court terme, je pense que bon, c'est certain que les gens sont angoissés, hein, sont inquiets, c'est plus de l'inquiétude. Puis bon, je sentais que c'était un petit peu ça, là. Fait que bon, mais là, ben franchement, c'est sûr que ça ira pas extraordinaire. Pas besoin d'être de 20. Mais bon, j'ai bien aimé ton énergie dans la vidéo. Pour moi, ben, il y a quand qui est arrivé l'affaire de méditation. Hein? Vous vous souvenez, là, les Beatles, puis la méditation très transcendale. Bon, ben ça, c'est des choses que c'est pas bien bon de me parler de ça. J'ai déjà, enfant, j'avais une opinion sur ça. Je connaissais une dame, là, très dans le nouvel âge, là, qui enseignait du yoga, mais pas du yoga comme mon ère. Elle, c'était super spiritualisé. Puis, nouvel âge, la dame que je parle, puis ça m'a tout de suite, disons que ça fait longtemps. Là, puis là, quand il me disait, ben oui, mais ça vient du bouddhisme, puis bon. Puis là, il faut être présent, puis observer de l'affaire. Puis je trouvais que ça ressemblait à de la pensée. Donc, bon, on n'est pas supposé penser quand on médite d'une certaine façon, à moins qu'on parle de méditation comme chez les mystiques chrétiens, la méditation, souvent c'est de la pensée, ou de la forme pensée, ou de la concentration sur, bon, en tout cas. Ah, merci Claudine. Qu'est-ce que la voyance, une autre fascination? Ça dépend. Moi, je vois une différence entre de la voyance et de la médiumnité. Parce que la voyance, ça peut être de la psychométrie. Il y en a spontanément qui voient des choses. Ça arrive. Tandis que la médiumnité, on est médium de quelque chose. Donc, bon, ça, j'aime moins ça. On est un intermédiaire. D'habitude, ceux qui se disent médium, ils ont des bébites. En plus, c'est des guides. Bon, ça, j'aime pas ça. Est-ce un mécanisme de protection que de ne voir que quand on peut supporter ce qui est vu? Oui. C'est pas juste ça, il y a une certaine logique aussi. C'est un petit peu comme dans le temps des vidéoclubs, là, il y avait un rideau là, pour certaines affaires, parce que bon, les enfants peuvent voir ça. D'un autre côté, si on n'est pas intéressé de voir ça, on est content qu'il y ait un rideau là. Bon. Noir de Jeanne Rousseau, vous connaissez? Non. Non, pas du tout. C'est très bien d'éprouver de l'attachement pour ce monde, pour ainsi lui vouloir du bien. Cependant, il faut savoir lui dire adieu complètement pour le voir tel qu'il est. Il le reconstruit. Moi, pas être. Bon, moi, je comprends jusqu'à un certain point. D'un autre côté, la seule chose, moi, qui me motive dans la vie, c'est des niaiseries, là, liées à ce monde. Donc, bon. Concernant les Beatles, à part Harrison, ça s'est bien fini avec Maharishi. Moi, ben, à un moment donné, ils ont décidé de s'en aller. Puis là, ils étaient là, pourquoi vous en allez? Puis ils avaient dit, ben, si vous êtes tellement merveilleux puis cosmique, vous êtes censé le savoir. Mais oui, ben, c'est pas un mauvais bonhomme, là, Maharishi Yogi. L'affaire, c'est que c'est des techniques qui ont leurs limites. Ben, dans le sens que j'en ai vu du monde qui en ont fait longtemps, mais là, c'est parce que ça vient pour se centrer, puis avoir une vie où on est quand même assez calme, puis bon, ce que j'aime pas, c'est que des fois, on en a besoin des impulsions nerveuses, on en a besoin de l'adrénaline, puis on en a besoin des vivre certains états. Puis du monde, ils se coupent d'une partie de leur expérimental, puis deviennent les yeux comme dans la graisse de bine. Ça, j'aime moins ça. Parce que là, des fois, ça crée une stase. Oui, ils ont une certaine paix, mais bon, des fois, les gens les plus dynamiques que j'ai connus, c'était des paquets de troubles. Mais souvent, là, dans le sens qu'ils étaient très réactifs, puis bon. Bon, c'est sûr, des fois, c'est pas mieux, là, mais l'eau est là. Bioélectronique. Oh, je connais pas. C'est qui donc qui parlait des théories par rapport à la mémoire de l'eau? Moi, Luc Montagnier, paraît qu'il y a eu de l'intérêt pour ça. C'est intéressant. Pareil. Bonjour, Samab. Fleur Clarisse, bonjour. Marie-Jeanne, on a de plus en plus des vidéos qui montrent des hologrammes. Moi. Ben oui, ben là, on se rapproche de. À un moment donné, j'avais dit la lumière peut servir d'arme. Ça en fait partie. Moi, Masaru Emoto. Mais c'est surprenant, mais Luc Montagnier s'intéressait à des choses comme ça. Donc, est-ce que la pensée est toujours une pollution mentale? Non, pas nécessairement. C'est pour ça que, bon, même la méditation, il y a de la méditation dont on n'entend jamais parler, c'est les taoïstes. Il n'y a jamais assez tout le temps. Tout ce que je vois dans le Nouvel Âge, où le monde qui parle de méditation, ça vient tout le temps du bouddhisme ou de l'hindouisme. Puis dans le taoïsme, c'est pas compliqué, la méditation, tu te reposes, puis tu t'accumules l'énergie. Donc, bon, puis c'est pas compliqué, là. C'est pas des positions compliquées. Dans le sens que, bon, vous pouvez vous coucher sur votre divan, puis vous pensez à rien, puis bon, on va pouvoir dire que c'en est. Puis il n'y a pas vraiment de technique tant que ça, là. Mais quand vous êtes debout, votre dos fait un S. C'est comme un circuit ouvert. Bon, les Chinois, ils vont avoir des positions où, à un moment donné, le dos va être court. Supposément que ça active le cerveau reptilien, puis ça éteint un petit peu le néocortex, puis donc il peut accumuler de l'énergie pendant un temps. Ça peut être une bonne chose, semble-t-il, là. Mais je ne suis pas un praticien non plus de rien, là. Je suis au courant de certaines techniques pareilles. Hier, j'ai prié et j'ai eu une image flash qui s'est imposée à moi. Un être encagoulé dans l'ombre, seul tenant un sceptre dans l'ombre, il a commencé à recevoir une lumière d'en haut qui était sur là, je pourrais pas dire, mais ça, c'est des formes. Juste par la forme, vous pouvez voir que ça sert d'une forme, là. Hein, ça fait un peu. Bon, en tout cas, je me serais choqué, là, mais là, chacun son affaire. Bertold, une question, est-il préférable de ne pas suivre toutes les manifestations dans les rues, faire en sorte de vivre quand nous-mêmes, quand nous-mêmes, sans tenir compte de la souffrance extérieure, ben l'affaire, c'est que ça dépend de vous, c'est votre vibration, puis comment vous voyez ça. Moi, je vais pas vous dire quoi penser ou quoi faire, là. Moi, je participe pas à ça, des manifestations. Puis, de toute façon, si la masse, ils vont les faire, les manifestations. Donc, bon, non, si vous avez la vibration de le faire, en plus, ça peut servir à faire du réseautage. Puis, bon, à part de dire, c'est intelligent, comment reconnaît-on une pensée provenant de son esprit? Ben, la vibration. C'est là que ça devient subtil parce que c'est, je finis par voir, c'est pas tout le monde qui le sent, ça. Mais bon, moi, c'est surtout là-dessus, même pour les gens. Même pour les gens, ce qu'il va faire, je vais faire confiance à quelqu'un ou pas. Mais bon, c'est bien subtil. C'est bien, c'est qu'un peu comme j'ai remarqué, il y a des gens, disons, des daltoniens de la vibration, c'est une couleur, ils ne voient pas ça. Peut-être avec le temps, là, je ne sais pas. Mais les passés, ils ont des longueurs d'onde, c'est un peu comme des couleurs. Puis, il y a une intensité, hein. Hier, j'avais justement une vibration dans la tête, puis c'était physique. C'est comme il y en a, ils me parlaient des phosphènes. Puis là, eux autres, ils pensent que c'est des flashs lumineux, que c'est juste lié au système nerveux. Non, non. Là. Il y a des phénomènes dont j'ai parlé, là, c'est comme si on vous électrocutait. C'est pas juste des phosphènes. Là. La méditation transcendantale est très populaire chez toutes les vedettes. Ils font toute leur vie. Ils font toute leur vie, ben oui. Je pense que ça sert pour les manipuler. Ils font pas une vie cohérente avec ça. Ben non, souvent, j'ai remarqué ça, les gens les plus spirituels, des fois, c'est eux autres les plus dissolus là, dans le privé. Donc, c'est spécial, là. Puis là, l'affaire, souvent, moins. Moi, des fois, j'ai déjà pensé, ben, comme moi, j'ose pas faire de consultation. Souvent, les gens m'en demandent, puis je dis non, j'en fais pas. Parce que de toute façon, bon, ça me prendrait du temps, puis j'oserais pas charger. Mais des maudites vedettes, là, ça m'impressionne pas pantoute. Eux autres, ils viendraient me voir, là, puis ils disent, je voudrais des consultations. Pas de problème. Pas de problème. Ça va être 500$. Hein? Mais bon, as-tu entendu parler de Michael Denis Badon? C'est lui que j'ai pris. Non, je ne connais pas. Denis Badon. Michael Denis Badon. Non, je ne connais pas. Mais souvent, il y a des saints que, bon, prenez Elisabeth Calimi, il n'y a pas longtemps, elle parlait de. Voyons comment il s'appelle lui. Un saint orthodoxe qu'on voit dans l'orthodoxe. Comment il s'appelle, donc j'ai un blanc de mémoire, là. Ben lui, c'est un personnage fictif. Elle n'en parle pas de ça, mais il est apparu pour la première fois dans un roman. Ah, je pense que je vais devoir quitter, je pense que des gens s'en viennent. Quelle a pensé, quelle est la mécanique qui procède afin que les pensées nous parviennent? Comment ça se passe? Ben, c'est comme n'importe quoi. C'est les pensées, c'est on pourrait voir ça, c'est comme des ondes. Bon, ben moi, je dois quitter, je suis désolé. Bon, j'ai des gens qui sont là, là. Je m'excuse, là, mais bon, je savais que j'avais de la visite qui s'en venait, mais bon, l'impact des manières de... Je vais regarder après, mais quand le chat va se rediffuser, là, puis que je vais avoir le chat là, qui se diffuse avec le direct, je vais regarder. Donc, bonne journée, tout le monde. Au revoir.